إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes, contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes, et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré. Celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse et qui a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. إن الله كان عليكم رقيبا Certes Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Ô vous les croyants, craignez votre Seigneur et parlez avec droiture. يصلح لكم أعمالكم afin qu'il améliore vos actions. ويغفر لكم ذنوبكم et qu'il vous pardonne vos péchés. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Ensuite certes la parole la plus véridique est le livre d'Allah. وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Et la meilleure des voies à suivre est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Et la pire des choses est la nouveauté. Wa kulla muhdathatin fi hadha ad-din bid'ah. Et toute nouveauté dans cette religion est innovation. Wa kulla bid'atin dalalah. Toute innovation est égarement. Wa kulla dalalatin fi an-nar. Et tout égarement mène à l'enfer. Ayyuha al-akhyar. Ceci est notre 40e rencontre parmi les rencontres de cette noble série Silsilatu Marahil Ad-Dar Al-Akhirah. Étape vers la demeure dernière. Et nous avions certes lors de notre dernier discours dirigé nos propos et nos paroles quant à la justice qui sera établie le jour de la résurrection Yawm Al-Qiyamah. Entre les serviteurs à propos des transgressions qu'ils se seront faites dans ce bas monde ad-dunya. Et comment ce jugement se passera-t-il? Ainsi, après que les serviteurs aient été jugés lors d'un jour équivalent à 50 000 années, après que le jugement al-hisab aura été simple pour celui qu'Allah Jalla wa Ala aura rendu simple, et après qu'il aura été lourd et difficile à celui qu'Allah Jalla wa Ala aura rendu le jugement lourd et difficile, les tourments ayyuhal ikhwa et les afflictions et les difficultés ne s'arrêtent pas là. Après cela arrive un autre tourment et une autre épreuve et d'autres afflictions et d'autres problèmes. Arrive le tourment de la balance al-mizan. Allah Jalla wa Ala établira et placera la balance al-mizan le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah, afin que le serviteur al-abd reconnaisse la totale justice d'Allah Azza wa Jal et constate une fois de nouveau la justice absolue et l'équité parfaite du Seigneur des cieux et de la terre, tabaraka wa ta'ala, afin que le serviteur voit ce qu'il a commis et ce qu'il a accompli comme action dans ce bas monde ad-dunya. Allah Jalla wa Ala établira la balance al-mizan. Et cette balance, ayyou al-ikhwa, qui aura certes effrayé Malaikat al-Rahman, les anges du tout miséricordieux, comme ceci a été rapporté dans un hadith rapporté par l'imam al-Hakim dans son livre al-Mustadrak et authentifié par Sheikh al-Albani selon Salman al-Farisi radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salat wa salam a dit: la balance al-mizan sera établie le jour de la résurrection. Si on y place les cieux et la terre, ils y rentreraient. Si on y place tous les cieux et la terre, ils y rentreraient. Et les anges al-Malaïka dirent alors: ô Seigneur, pour qui a-t-elle été établie? Et alors Allah Jalla wa Ala répondra: pour ceux que je veux parmi mes créatures. Et alors al-Malaïka, les anges diront: gloire à toi, nous ne t'avons certes pas adoré à ta juste valeur. Nous ne t'avons pas adoré comme il le fallait. Al-Mizan, la balance sera placée. Elle sera établie. Et ce n'est autre qu'Allah Azza wa Jal qui la placera. Si les sept cieux et les sept terres y étaient placés, ils y rentreraient. Et cela nous prouve la grandeur de cette créature, l'immensité de cette créature qu'est Al-Mizan, de cette grande largeur que possède cette balance. Car toutes les actions y seront pesées. Toutes les actions y seront pesées. Ainsi que toutes les pages où ont été inscrites ces actions. Et de même les serviteurs seront pesés dans la balance al-mizan. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: inna Allah la yadhlimu mithqala darra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Certes Allah ne trompe personne, fût-ce du poids d'un atome, et s'il en est d'une bonne action, il la double et il accorde une grosse récompense de sa part. Allah Jalla wa Ala établira la balance al-mizan sur le tapis de l'équité et de la justice du haut Seigneur subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit: wa nada'u al-mawazin al-qista li-yawm al-qiyama wa nada'u al-mawazin وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et au jour de la résurrection, nous établirons les balances exactes. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Nulle âme ne sera trompée en rien. وَإِنْ كَانَ مِفْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Fût-ce le poids d'un grain de moutarde, nous le ferons venir. Et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Nous savons, al-ulama rahmatullahi alayhim nous disent: lorsque le jugement al-hisab sera terminé, viendra le moment de la pesée des actions. Ils nous disent, al-ulama, car le jugement a été établi pour faire avouer au serviteur les actions, afin que le serviteur avoue les actions qu'il a accomplies dans ce bas monde. Quant à la balance, al-mizan a été établie afin de connaître et de savoir la quantité de ses actions, et le poids de ses actions, et la valeur de ses actions, et afin que la récompense soit accordée en fonction de l'œuvre effectuée, et en fonction de la pesée de cette action. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, c'est-à-dire sa destination, sera un abîme très profond. Et qui te dira ce qu'est cette destination? Ce sera un feu ardent. Allah Jalla wa Ala nous dit également, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Quant à ceux dont la balance sera lourde, tels seront les bienheureux. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Quant à ceux dont la balance sera légère, ce sont ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront en enfer éternellement. Ainsi telle, elle a pesé de la balance al-mizan. Et certes, cette balance et cette pesée aura lieu avant de passer sur le pont As-Sirat. La pesée de la balance al-mizan, ayyuhal ikhwa, aura lieu avant de passer sur le pont As-Sirat. Et ceci est unanime chez Ahli Sunnati wal Jama'a. Et la plupart des savants nous affirment que la balance al-mizan est une véritable balance. Et nous les ont contredit que Al-Mu'tazila et très peu de personnes d'Ahli Sunnah. Ainsi, et également Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah nous dit qu'Ahli Sunnati wal Jama'a sont unanimes quant à la balance Al-Mizan et quant à son existence, et qu'elle possède deux plateaux qui pencheront avec les actions du jour de la résurrection. Et nous vous disons que nous contredit cette idée que certaines personnes et très peu de personnes d'Ahli Sunnah et Al-Mu'tazila. Faqat. Et ils disent, eux, par contre, que la balance Al-Mizan, cela signifie la justice, simplement, et l'équité. Mais cela est contraire, et c'est une parole non valable, contraire aux preuves du Coran et de la Sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullah nous dit, celui qui nie l'existence de la balance Al-Mizan aura rejeté la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui rejette la parole du prophète alayhi salatu wassalam aura rejeté la parole d'Allah azza wa jalla. Car Allah tabaraka wa ta'ala et son messager alayhi salatu wassalam ont évoqué la balance al-mizan. Et celui qui a écrit At-Tahawiyya rahimahullah ta'ala nous dit, la sunnah atteste l'existence de la balance al-mizan et qu'elle possède deux plateaux physiques et visibles. Ibn Abbas radiallahu anhuma والحسن البصري رحمه الله d'autres savants ont dit, la balance al-mizan possède deux plateaux et une langue où les bonnes et les mauvaises actions seront posées le jour de la résurrection, yawm al-qiyam. Et peut-être que certaines personnes et surtout certains étudiants de sciences religieuses pourront se poser cette question suivante, une question assez subtile, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre sacré a employé le mot balance Al-Mizan au pluriel. Dans tous les versets où il a évoqué la balance, il nous dit Al-Mawazin. Wa nada'u al-Mawazin. Et nous établissons les balances. Faman thaqulat mawazinuhu. Quant à celui dont les balances seront lourdes. Alors que dans la Sunna, le prophète alayhi salatu wa salam l'a cité au singulier Al-Mizan. Mais, bihamdillahi azza wa jal, il n'y a pas de contradiction dans les textes authentiques. Et ainsi, on lui répondra que la balance a été citée au pluriel dans le Coran, car il y aura plusieurs pesées. Les actions seront pesées. Et les pages où ont été inscrites les actions seront pesées. Et les êtres humains seront pesés également. Naam. Et est-ce que cela sera pour tout le monde? Il y a eu différentes paroles à ce sujet de la part des savants. Il y a des gens dont leurs actions seront pesées, et également eux-mêmes, et également les pages où ont été inscrites les actions. Il y a des personnes qui n'auront pas tout cela. Mais le plus important, ayyuhal ikhwatul kiram, est qu'il faut approuver l'existence de la balance al-mizan. Et qu'Allah Jalla wa Ala établira cette balance possédant deux plateaux physiques et visibles, afin de voir et afin de constater, après la pesée des actions, le poids de ces actions et la valeur de ces actions. Et afin que la récompense soit accordé en fonction de cette pesée, comme nous ont dit les savants, rahmatullahi alayhim. Car la plupart des textes parlant de la balance informent que ce seront les actions qui seront pesées. Mais il y a également un texte authentique qui nous dit que ce sera la page des actions qui sera pesée. Et il y a également d'autres textes authentiques qui nous informent que l'être humain également sera pesé. Allah Jalla wa Ala, ayyuhal ikhwatul kiram, établira ainsi la balance al-mizan. Les créatures seront alors effrayées, leur raison partira alors, tellement ce moment sera terrible, tellement leurs cœurs voleront ainsi, effrayés de peur et inquiétés, ayol yahwatul kiram, devant la grandeur de cette balance. Tout le monde ainsi aura le regard figé, tout le monde ainsi aura le regard bloqué sur les plateaux de cette balance, ces plateaux dans lesquels peuvent être placés tous les sept cieux et les sept terres. Les gens croiront et les gens auront cru que les tourments et les difficultés cesseront après le jugement al-hisab. Mais non, kalla wallahi kalla. Car il faut absolument peser les actions dès lors. Il faut que ces actions qui ont été accomplies dans ce bas monde ad-dunya soient dès lors pesées, afin que les gens reconnaissent une fois de nouveau et reconnaissent une fois de plus la justice absolue d'Allah, l'équité parfaite d'Allah tabaraka wa ta'ala, afin que le serviteur voit ce qu'il a accompli comme action dans ce bas monde ad-dunya, voit la valeur de ses actions, ne serait-ce qu'il ait accompli une action équivalente au poids d'un grain de moutarde. Comme nous le dit Allah Jalla wa Ala, wa nada'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyama, et nous établirons les balances le jour de la résurrection, les balances exactes. Fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha. Et ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde, nous le ferons venir. Wa kafa bina hasibi. Et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Telle est la balance d'Allah Azza wa Jalla. Telle est la balance de Malik al-Muluk, le roi des rois. Tabaraka wa ta'ala. Elle n'est pas comme la balance de ce bas monde ad-dunya, les balances de cette vie qui peuvent être trafiquées afin de tromper les gens, afin de léser les gens lors de l'achat et lors de la vente. Ce jour-là, ce sera la balance d'Allah. Ce jour-là, celui qui juge et celui qui pèse les actions est Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Wahid al-Dayyan, l'unique, le dominateur suprême. Ainsi, ya Abdallah, tu ne seras pas lésé ce jour-là. Tu ne seras pas trompé, alors il n'y aura pas de triche ce jour-là. Et ne crains pas la triche ni la corruption ce jour-là. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Celui dont les balances auront été lourdes, tels seront les bienheureux. Quant à celui dont les bonnes actions seront légères, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes, car ils étaient injustes envers nos enseignements. Alors imagine-toi, ya Abdallah, regarde-toi, ya Abdallah, imagine-toi, ô toi, le serviteur d'Allah, lorsque ton jugement al-hisab sera terminé, et lorsque tu seras appelé, à peser tes actions al-mizan, afin que tes actions soient pesées, lorsque tu seras appelé à la balance al-mizan, afin qu'après cela tu saches dans quelle demeure tu seras destiné, à ce moment-là, tu auras le plus besoin de ces bonnes actions. À ce moment-là, tu auras le plus peur des mauvaises actions. Souviens-toi lorsque tu viendras à Allah isolé, alors que les balances du jugement auront été placées, et que les voiles des péchés auront été ôtées, et que le péché deviendra alors dévoilé. Naam, et Allah tabaraka wa ta'ala, ce jour-là, et à ce moment-là, il transformera les actions en corps physique, dont seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît l'apparence de ces choses. Al-Qur'an viendra intercéder en la faveur des récitateurs. Il viendra le jour de la résurrection afin de défendre et de protéger et d'intercéder les récitateurs, tels que les premières sourates, Sourate al-Baqara wa Sourate Ali Imran. Elles viendront-elles des oiseaux intercédant les récitateurs? Naam, mais le hadith a été rapporté par l'imam muslim selon Abi Umama, radiallahu anhu, et selon An-Nawas ibn Sam'an, radiallahu anhuma. Allah Jalla wa Ala transformera les actions en corps physique dont seul Allah connaît la forme. Et les bonnes actions seront alors placées sur un plateau, ayol ikhwa. Et les mauvaises actions sur l'autre plateau. Alors qui d'entre vous, ayol muslimoun, désire que sa balance pèse lourd le jour de la résurrection? Qui d'entre vous désire que le plateau des bonnes actions soit le plus lourd le jour de la résurrection? Alors écoutez ce qui fait alourdir les pesées le jour de la résurrection. Al-Imam Ahmed rapporte dans son Musnad, ou Al-Imam Abu Daoud dans ses Sunan, avec une chaîne de transmission authentique, selon Abi Darda, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous dit: il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance le jour de la résurrection que le bon comportement. Il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance le jour de la résurrection que le bon comportement. Husnul khuluq, le bon comportement, la chose la plus lourde sur la balance le jour de la résurrection. Husnul khuluq, le bon comportement, que nous ne voyons pas en séjour ma'al asaf, malheureusement chez les musulmans, et nous ne disons pas de la part des désobéissants ou des pécheurs, mais de la part des pratiquants et des prieurs, sauf ceux qu'Allah Jalla wa Ala a placés dans sa miséricorde. Naam, tu vois beaucoup de ceux qui prient et qui acquittent la zakat et qui jeûnent et qui effectuent toutes les obligations, mais leur comportement est mauvais. Sa langue est longue, sa parole est néfaste, il parle fort, il parle beaucoup, son visage est renfrogné, il n'est pas doux, il ne donne pas envie que l'on soit doux avec lui. Il est tel un cactus. Si l'on s'approche de lui, on ne veut même pas se rapprocher de lui, ni le toucher. Et si l'on se rapproche de lui, et si l'on se touche, il te frappe. Ou bien il te fait couler du sang, wal'ayadu billah. Car ayyuhal ikhwatul kiram, les blessures des dents laissent des traces. Mais les blessures de la langue n'en laissent pas. Naam. Et ainsi aujourd'hui, ma'al asaf, nous manquons de bon comportement. Le bon comportement, ayyuhal ikhwatul kiram, husnul khuluq, est une preuve de la foi complète, al-iman ou al-kamil, du serviteur. Comme il a été rapporté un hadith par al-imam Ahmed et d'autres, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les gens ayant la foi la plus complète sont ceux ayant le meilleur comportement. Les gens ayant la foi la plus complète sont ceux ayant le meilleur comportement. Et dans une autre version authentique, sont ceux qui sont affectueux et avec qui les gens le sont. Et il n'y a pas de bien dans celui qui n'est pas affectueux et avec qui on ne l'est pas. Ayyuhal ikhwatul kiram, la personne ayant le bon comportement, husnul khuluq, qu'Allah nous place parmi eux, pourra atteindre le degré des jeûneurs qui jeûnent souvent, et des prières qui prient souvent, et des adorateurs et des vertueux, voire même les dépasser. Et la preuve en est, ce que nous rapporte l'imam Abu Daoud dans ses sunan, avec une chaîne de transmission authentique selon Aïcha, radiallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous dit, le croyant al-mu'min pourra atteindre de par son bon comportement le degré du jeûneur et du prieur. Du jeûneur, c'est-à-dire celui qui jeûne souvent les jours, et du prieur, celui qui prie souvent la nuit. Et celui qui a le bon comportement, ayol ikhwa, husnul khuluq, mérite d'être le plus proche du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, le jour de la résurrection. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam au Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique selon Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous dit, les personnes parmi vous que j'aime le plus, al-Habib, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, les personnes parmi vous que j'aime le plus et qui seront le plus proches de moi le jour de la résurrection sont ceux qui ont le meilleur comportement. Sont ceux qui ont le meilleur comportement, husnul khuluq, le bon comportement, ayyuhal al-muslimoun, fa'aynahu, où est-il, ayyuhal al-ikhwa, où est ce bon comportement, où est le comportement d'El Habib, où est le comportement du prophète, alayhi salat wa salam, ayyuhal al-shabab, ô vous les jeunes, ô vous qui avez laissé pousser la barbe, ô vous qui avez coupé vos khamis, où est le comportement d'El Habib, où est le comportement de Rasulallah, alayhi salat wa salam, ô vous qui ressemblez au prophète, alayhi salat wa salam, dans votre apparence, où est sa ressemblance dans votre intérieur? Où est le sourire lorsque tu rencontres un frère? Où est la douceur? Où est l'affection? Où est le comportement d'Al-Habib, alayhi salatu wassalam? Le comportement de celui qui avait le meilleur des comportements, la meilleure des créatures, ayyuhal ikhwa, celui qui a reçu le témoignage du Seigneur des cieux et de la terre, celui qui a reçu le témoignage du Seigneur de toutes les créatures, celui qui s'est adressé à lui et qui lui dit, « Wa innaka la'ala khuluqin azim. » Et certes, tu es d'un comportement remarquable. Certes, tu es d'un comportement remarquable. Le témoignage d'Allah, Jalla wa Ala, en la faveur d'Al-Habib al-Mustafa, alayhi salatu wassalam. Ô jeune de ma génération, je ne désirerais pas voir une déchirure dans les rangs après l'union. Tu as avec le livre d'Allah un exemple véridique. Suis donc sa guidée et délaisse ceux qui divisent. Tu as en ton messager un exemple. Il s'est comporté avec la véracité et avec le bon comportement. Husnul khuluq ayyuhal ikhwa. Le bon comportement est parmi les actions les plus lourdes qui pèseront sur la balance al-mizan yawm al-qiyam, le jour de la résurrection. Parmi ceux qui alourdit la balance al-mizan également, ayyuhal ikhwa, certaines invocations dont nous a informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Comme ceci a été rapporté dans les deux recueils authentiques, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, kalimatan, deux mots, sont légers sur la langue al-lisan, et sont lourdes dans la balance al-mizan, et sont aimées et appréciées du tout miséricordieux ar-Rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Naam ayol ikhwatul kiram, Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Quelles sont faciles à prononcer, quelles sont importantes auprès du Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et quelles sont lourdes dans la balance en bonnes actions, al-mizan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Gloire à Allah et toutes les louanges appartiennent à lui, gloire à Allah le Tout-Puissant. Est-ce que ceci est trop pour toi, ya Abdallah? Est-ce que ceci est trop difficile pour toi de les répéter et de glorifier ton Seigneur nuit et jour, dans le recueil authentique de l'imam Muslim? Selon Abi Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous dit: la purification représente la moitié de la foi al-iman. Walhamdulillah remplit la balance al-mizan. Wa subhanallah walhamdulillah remplit ce qui est entre les cieux et la terre. Avec la condition, ayol ikhwa, que la langue prononce cette invocation, mais que la personne sache ce qu'elle dit en ce moment. Que la personne soit consciente de ce qu'elle prononce et de ce qu'elle invoque au moment où elle l'invoque. Et parmi les choses également, ayol ikhwa, qui font alourdir les balances al-mawazin, le jour de la résurrection, certains dons dans le sentier d'Allah, certaines aumônes, certains dons, fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala, dont le prophète alayhi salatu wa sallam nous a informé, comme il a été rapporté le hadith, par l'imam al-Bukhari selon Abi Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam dit: celui qui donna un cheval, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, en croyant à Allah et en croyant à sa promesse, son urine et sa défection seront changées en bonnes actions et placées sur la balance al-mizan le jour de la résurrection. Un cheval, fi sabilillah. Et en notre époque, ce qui équivaut à une voiture. Une voiture, ayol ikhwa. Si la personne a de l'argent, ou s'il a une voiture qu'il n'utilise pas, il peut la laisser à certains étudiants de sciences religieuses, afin qu'ils viennent à la mosquée avec, afin d'apprendre la science religieuse. Cette voiture sera une des choses les plus lourdes dans la balance al-mizan yawm al-qiyam. Na'am, celui qui donna un cheval, fi sabilillah, en croyant en Allah et en croyant à sa promesse, son urine, sa défection seront changées en bonnes actions et placées sur la balance al-mizan le jour de la résurrection. Ayyuha al-ikhwatul kiram, parmi les choses les plus lourdes sur la balance également, et qui seront lourdes sur le plateau de la balance comme bonnes actions yawm al-qiyamah, at-tawhidu lillahi jalla wa ala, l'unicité d'Allah dédiée à Allah tabaraka wa ta'ala, at-tawhidu al-kamil, wat-tawhidu al-khalis, l'unicité complète, l'unicité absolue et purifiée de tout type d'association. Celui qui unifie Allah Jalla wa Ala d'une unicité complète et celui qui l'unifie d'une unicité pure, il n'aura certes aucun mal. Et il n'aura certes aucune peur le jour de la résurrection. Et écoutez cet extraordinaire hadith. Un hadith ma'alouf et ajib et très étonnant. Rapporté par l'imam Ahmed, et par l'imam Tirmidhi, et par l'imam al-Bayhaqi, et par l'imam Ibn Majah, et par l'imam al-Hakim, et authentifié par Cheikh al-Albani, et d'autres. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: Allah jalla wa ala sauvera un homme de ma communauté le jour de la résurrection devant toute l'humanité. On lui viendra et on lui apportera 99 groupements de livres, 99 amas de livres. Chaque groupement de livres est aussi important que l'horizon. Puis Allah tabaraka wa ta'ala s'adressera à lui et lui dira: renies-tu quelque chose de tout cela? Mes scribes t'ont-ils transgressé dans cela? Et alors le serviteur répondra: non ya Rab, non mon Seigneur. Et alors Allah Jalla wa Ala lui dira: As-tu une excuse? Et alors le serviteur lui dira: non mon Seigneur, non ya Rab. Et alors Allah Jalla wa Ala lui dira: Mais tu as auprès de nous une bonne action. Prépare-toi à la peser, tu ne seras certes point trompé. Al-Habib alayhi salatu wa salam nous dit alors: une feuille sortira et une feuille apparaîtra, sera écrit dessus: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Puis Allah s'adressera à son serviteur et lui dira: prépare-toi à la pesée, tu ne seras certes point trompé ce jour-là. Et alors le serviteur lui dira: Ya Rab, ô mon Seigneur, que fera cette feuille devant tous ces livres? Que fera cette feuille face à tous ces livres? Et alors il lui dira: prépare-toi à la peser, tu ne seras certes point trompé ce jour-là. Puis Al-Habib alayhi salatu wa salam nous dit, les groupements de livres alors seront placés sur un plateau, et la feuille sera placée sur l'autre plateau. Les livres se soulèveront alors, et la feuille alourdira la balance, car rien ne peut être plus lourd que le nom d'Allah. Car rien ne peut être plus lourd que le nom d'Allah. Fallahu akbar ayyuhal ikhwatul kiram. Et ce hadith est appelé chez les savants al-ulama le hadith de la feuille. Hadithul bitaqa. Hadithul bitaqa, un hadith authentique. C'est un homme qui aura unifié Allah Azza wa Jalla de la véritable façon et de la véritable manière, et qui aura témoigné que la ilaha illallah, que Muhammad al Rasulallah, que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, sortant totalement de son cœur. Il aura ainsi cette récompense, la récompense qui provient d'Allah Azza wa Jal, car rien ne peut être plus lourd que le nom d'Allah Jalla wa Ala, al-Imam wa al-Tawhid, fa la ilaha illallah ayyuhal ikhwatul kiram, n'a pas qu'une phrase prononcée par la langue, al-Lisan, mais elle détient des conditions à shurut, elle détient des conditions qu'il faut absolument avoir. Il faut délaisser ce que contredit cette phrase, et il faut appliquer cette phrase. Naam, telles sont les conditions ayyuhal ikhwa. D'avoir les conditions de cette phrase et de délaisser les interdits qu'engendre cette phrase. La ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Naam. Rien ne doit lui être associé, subhanahu wa ta'ala, ni dans sa divinité, c'est-à-dire dans son adoration, ni dans sa seigneurie, et ni dans ses noms parfaits, ses attributs sublimes. Ainsi, celui qui dit la ilaha illallah de son cœur bénéficiera de l'intercession du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Celui également qui aura pour dernière parole de sa vie et de ce bas monde la ilaha illallah rentrera au paradis. Celui qui unifie Allah et qui prononce la ilaha illallah ainsi avec son unicité et son dogme, et que son dogme ne soit mélangé d'aucune sorte d'association, ni la petite, ni la mineure, ni la majeure, ni la cachée, cette feuille deviendra alors la plus lourde dans la balance al-mizan de toutes les bonnes actions le jour de la résurrection. Telle est la faveur, ayyuhal ikhwa, et telle est le mérite, et telle est l'honneur, et telle est la récompense qu'Allah accorde à tawhid, à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes, comme nous dit dans le hadith le prophète alayhi salatu wa salam, si les sept cieux et ceux qui les remplissent en dehors d'Allah et les sept terres étaient placés sur un plateau et la ilaha illallah sur l'autre plateau, la ilaha illallah serait plus lourde. La ilaha illallah serait plus lourde, mais à condition que la personne effectue et applique le sens de cette phrase. Et qui délaisse ce qui rend cette phrase annulée. Ainsi, ayyuhal ikhwatul kiram, après que les actions et les livres soient pesés, viendra le tour de peser les gens, de peser les serviteurs. Les gens seront pesés, ayyuhal ikhwa, afin que toutes les personnes et toutes les créatures voient et comprennent et réalisent que la balance al-mizan fait monter et descendre les gens. Et c'est certes la balance de la foi al-iman et des bonnes actions al-salihat. Car la balance des gens aujourd'hui dans ce bas monde ad-dunya, ces balances ayyuhal ikhwa de cette vie présente ne sont que des balances matérialistes. Celui qui a le plus d'argent est le plus élevé. Celui qui a le plus de pouvoir est le plus élevé. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Certes, le plus noble d'entre vous est celui qui craint le plus Allah. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et Allah nous dit également à propos d'الذين ضلوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Ceux-là auront nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc devenues annulées et vaines. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Et nous leur assignerons ce jour-là, le jour de la résurrection, aucun poids. Ils n'auront aucun poids. Et dans le recueil de l'imam al-Bukhari, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit, on amènera ainsi l'homme énorme et gros et robuste, c'est-à-dire le jour de la résurrection, il n'aura même pas le poids de l'aile d'une mouche auprès d'Allah. Puis il nous dit, al-Habib al-Mustafa, lisez si vous le voulez, la parole d'Allah, azza wa jal, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسْنَةِ. Nous ne leur assignerons ce jour-là, c'est-à-dire le jour de la résurrection, aucun poids. Naram, ce qui importe, ayol ikhwa, n'a pas d'avoir un corps robuste, n'a pas d'avoir de gros muscles, mais d'avoir la foi, l'iman, et d'appliquer, et de pratiquer, et d'avoir des bonnes actions, l'amal salih. C'est pourquoi l'imam Ahmed nous rapporte dans son musnad un hadith avec une chaîne de transmission authentique. Selon Sir ibn Hubaysh, radiallahu anhu, que Abdillah ibn Mas'ud, et écoutez, ayol ikhwa tul kiram, Abdillah ibn Mas'ud, radiallahu anhu wa arda, un homme qui possédait des jambes maigres, des jambes fines. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, un jour, monta sur un arbre afin de retirer les branches de siwak. Il monta sur un arbre afin de retirer des branches de siwak. Le vent souffla alors et le fit presque tomber. Les gens rigolèrent alors. Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam s'écria alors et leur dit: De quoi rigolez-vous? Et alors ils répondirent: Ya Rasulallah, nous rigolons sur ces jambes fines, sur ces maigres jambes. Et alors il répondit, sallallahu alayhi wa sallam: Walladhi nafsi biyadih, par celui qui détient mon âme dans sa main, elles sont plus lourdes dans la balance al-mizan que Jabal Uhud, que la montagne de Uhud. Les jambes de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu wa arda, sont plus lourdes sur la balance al-mizan que la montagne de Uhud. Jabal Uhud. Tu vois certaines personnes, ya Abdallah, avec un grand corps et une grande tête, mais il n'est pas lourd auprès d'Allah. Et il n'est même pas plus lourd qu'une aile du mouche. Naam. Et tu ne vois certaines personnes maigres, avec de fins os, mais sur la balance, mais sur al-mizan, il sera lourd auprès d'Allah. Pourquoi? Du fait de sa foi, al-iman, et de ses bonnes actions, et de sa science, et de ce qu'il a avancé pour la religion d'Allah, jalla wa ala. As'alullah tabaraka wa ta'ala, bi asma'ihi al-husna, wa sifatihi al-ula. Je demande à Allah, jalla wa ala, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, qu'il alourdisse notre balance, qu'il nous alourdisse dans la balance al-mizan. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et en tenant ses propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام. Quelqu'un peut se demander, y a-t-il des gens qui auront le même poids de bonnes actions et de mauvaises actions le jour de la résurrection? Et s'il y en a, que fera-t-on alors de ces gens-là, ayol ikhwa? Que fera-t-on des gens qui auront trouvé leur balance avec les deux plateaux à équivalence, avec le même poids des bonnes actions et des mauvaises? La réponse à la première question, ayol ikhwa, est qu'en effet, il y aura des gens qui auront le même poids de bonnes et de mauvaises actions. Et nous citerons ce qu'on fera de cela. Ceux qui ont eu leurs bonnes actions aussi lourdes que leurs mauvaises, ayol ikhwa, sont les gens de l'A'raf. Ashab al-A'raf. Les gens de l'A'raf, et telle est la parole la plus probable des savants. Tels sont les gens croyants qui sont venus avec des bonnes actions et des mauvaises actions. Et leurs bonnes actions ont été aussi lourdes que les mauvaises actions. Ils sont venus avec des mauvaises actions qui les ont empêchés de rentrer au paradis. Avec des mauvaises actions assayyat qui ont fait obstacle et qui les ont empêchés de rentrer au paradis et aux délices. Et ils sont venus également avec des bonnes actions al-hasanat qui les ont empêchés de rentrer en enfer et dans le feu. Allah Jalla wa Ala les placera où, ayu al-ikhwa? Il les placera alors sur une montagne ou bien sur un pont le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah. Lorsque leurs actions auront été pesées, Allah Jalla wa Ala les placera sur ce pont ou sur cette montagne. Les gens de l'A'raf, ayo l'ikhwa, s'adresseront ainsi aux gens de l'enfer, ashabu al-nar. Et ils leur diront alors, « وَنَادَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ » Ils leur diront, « قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْهُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ » Vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé, votre grand parti, votre nombre, vos groupes, nous ne vous ont été d'aucune utilité aujourd'hui. Ils diront, vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé, ni de l'orgueil dont vous avez été enflé dans ce bas monde ad-dunya. L'orgueil qui était en vous, vous a certes conduit en enfer. Et à ce moment-là, Allah Jalla wa Ala dira alors, « أَهَاؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ Est-ce donc cela au sujet duquel vous juriez qu'ils n'obtiendront de la part d'Allah aucune miséricorde? C'est-à-dire qu'Allah appellera les gens du feu et leur dira. C'est-à-dire les gens de l'A'raf au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendront aucune miséricorde de la part d'Allah. Et alors il appellera les gens de l'A'raf et il dira alors, Allah s'adressera aux gens de l'A'raf et il leur dira, « Udukhulul jannah, la khawfun alaykum, wa la antum tahzan. » Entrez au paradis, et ainsi il n'y aura aucune peur pour vous, et vous ne serez point affligés contre le gré des mécréants al-kafirin. Malgré la volonté des mécréants al-kafirin, les gens de l'A'raf rentreront alors par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal au paradis al-jannah. Mais soyez attentifs, ayol ikhwa, ils ne rentreront qu'après que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam ait intercédé en leur faveur. Les imams al-Qurtubi, wal-imam ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, et d'autres parmi les savants, que les gens d'Al-A'raf nous disent que les gens d'Al-A'raf sont appelés les pauvres des gens du paradis. Masakinul Jannah. Les pauvres des gens du paradis. Et lorsque le prophète alayhi salatu wa salam intercédera, quand cela se passera-t-il? Cela se passera, ayol ikhwa, après que les gens de l'enfer rentreront en enfer et que les gens du paradis entreront au paradis. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam intercédera pour les gens de l'A'raf. Et ils rentreront alors au paradis par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, puis par l'intercession d'Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam. C'est comme cela, ayol ikhwa, après avoir entendu ces informations à propos de la balance al-Mizan. C'est comme cela, ayol ikhwa, que l'on sera jugé et que nos actions seront pesées. Alors attention, ya ibad Allah, de ne pas négliger quelque action, bonne ou mauvaise. Ne néglige aucune bonne action, même si c'est de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Et le hadith a été rapporté par l'imam muslim selon Abi Dharr, radiyallahu anhu. Ne négligez, ya ibad Allah, aucune bonne action, ya ikhwa. Même si cette bonne action est négligeable aux yeux des gens, rien que retirer quelque chose et qui gêne sur un chemin, est une aumône sadaqa. La bonne parole est une aumône. Alhamdulillah, remplit la balance al-mizan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-azim. Faya ibad Allah, ne négligez aucune action. Et ne négligez également aucune mauvaise action. Car Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit, faites attention à négliger les mauvaises actions. Méfiez-vous de négliger les mauvaises actions. Les actions que tu négliges et que tu ne vois pas. Celui qui néglige les mauvaises actions est un peuple descendu à un endroit, chacun apportant du bois jusqu'à en avoir assez pour y faire du feu. Naram, celui qui néglige les mauvaises actions, lorsqu'il y en a assez, elles le détruisent, wallah. Et le hadith a été rapporté par l'imam Ahmed, selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu. Ainsi, ya Abdallah, ne néglige aucune bonne action, ni mauvaise action. Avec une bonne action, ya Ibadallah, tu peux être sauvé des souffrances et du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Tu peux bénéficier du paradis aussi large que les cieux et la terre. Avec une mauvaise action, ya Abdallah, la balance al-mizan des bonnes actions devient moins lourde et celle des mauvaises actions devient plus lourde. Et ce sera un malheur qu'on ne trouvera pas aussi grand. Wa la'iyadu billahi Azza wa Jal. Ayyuha al-ikhwatul kiram wa ayyuha al-muslimun. Parmi la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala sur cette communauté, qu'Allah nous ait envoyé ce noble prophète et ce noble messager, Al-Habib al-Mustafa, Al-Nabi al-Mujtaba, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah. Ce messager miséricordieux, c'est lui qui n'est pas tranquille jusqu'à ce que sa communauté soit tranquille. C'est lui qui est souciant et qui n'est pas rassuré tant que sa communauté n'est pas rassurée. Al-Habib al-Mustafa, alayhi salatu wa sallam, ayol ikhwa, ne sera pas tranquille jusqu'à ce que sa communauté soit sauvée et préservée du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, ya Abdallah, le jour de la résurrection, tu apercevras alors et tu verras le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam se déplaçant dans les différents endroits du jour de la résurrection, dans les différentes étapes, afin qu'il sauve sa communauté, afin qu'il intercède en la faveur de sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces endroits, la balance al-mizan. Al-Habib al-Mustafa se trouvera au niveau de la balance al-mizan, comme ceci a été cité dans les sunan d'Al-Imam al-Tilmidhi, avec un hadith authentifié par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Le messager, celui-ci dit, Ya Rasulallah, intercède en ma faveur le jour de la résurrection. Et alors il lui répondit, sallallahu alayhi wa sallam, j'intercéderai, incha'Allah. Puis Anas lui dit, où est-ce que je te retrouverai ce jour-là? Et alors il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, auprès du pont à Sirat. Puis il lui dit, et si je ne te trouve pas au pont? Car c'est un moment des plus dangereux. Et si je ne te trouve pas au pont à Sirat? Et nous parlerons de cela, bi'idhnillah, dans les prochains discours. Il lui dit, auprès du pont à Sirat. Et alors il lui dit, si je ne te trouve pas au pont? Il lui dit, alors auprès de la balance al-mizan. tu me trouveras auprès de la balance et le mizan. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, comme nous l'avons dit, intercédera en la faveur des gens d'Al-A'raf, ceux qui ont le même poids de bonnes et de mauvaises actions, et il intercédera à celui qui aura le poids de sa balance faible, parmi ceux qui méritent, et parmi ceux dont Allah aura agréé l'intercession, et aura accepté qu'on intercède en la faveur. Et ainsi, Al-Habib al-Mustafa, alayhi salatu wassalam, dit, si je ne te trouve pas sur le pont, si tu ne me trouves pas sur le pont, alors auprès de la balance al-Mizan, et si je ne trouve pas auprès de la balance, il lui dit alors auprès du bassin al-Hawd. Car je passerai obligatoirement par ces trois endroits. Car je passerai obligatoirement par ces trois endroits. Et alors, Al-Habib al-Mustafa, alayhi salatu wassalam, ayol ikhwa, passera par ces trois endroits. Parmi les étapes de la demeure dernière, il recherche, certes, la félicité, et la protection, et le sauvetage de cette communauté. Et il a peur pour les gens de la souffrance, de la perdition et du châtiment. Car il est certes, Ar-Rahmatul Muhda, Wa-Ni'matul Musda, c'est lui la miséricorde bien guidée, c'est lui le bienfait abondant. Comme Allah Jalla wa'ala nous dit, لَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager vous est venu parmi vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, et qui est plein de sollicitude pour vous, et qui est certes compatissant et miséricordieux envers les croyants. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. Je demande à Allah جل وعلا par ses noms parfaits et par ses attributs sublimes qu'il fasse que nos actions soient lourdes dans la balance al-mizan et qu'il nous récompense de la meilleure des récompenses le jour de la résurrection et qu'il fasse que le prophète et le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام intercèdent en notre faveur dans les trois endroits des étapes de la demeure dernière. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Et je demande à Allah تبارك وتعالى qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui retiennent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés et ce sont ceux qui réussiront et ce sont ceux les doués d'intelligence. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul. Et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je demande à Allah Jalla wa'ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager. Ar-Rahmatul Muhda, wa-Ni'matul Musda, al-Nabiyul Muntaqa, wa-Rasulul Mustaba, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa famille, ses bien-aimés, ses compagnons, et tous ceux qui auront suivi et qui suivront son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation, ayyuha al-Ahbab, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, wa-Alhamdulillahi Rabbil Alameen.